Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nosecrans.com. Vous écoutez le sur nos écrans numéro 41 et je ne suis pas Mathieu. My name is Bruce Wayne and I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'll be dead by morning. Well, there will be chaos, rivers of blood in the streets. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. And then we'll disappear, become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Donc, avec moi ce soir, Clément. Salut. Elodie. Bonsoir. Et Irish. Salut. Donc, Mathieu n'est pas là. Comme vous savez sans doute si vous avez écouté les podcasts précédents, il est très malade. Et donc, je le remplace pour cette petite semaine. Et donc, aujourd'hui, pour ce numéro 41, après avoir fait le débriefing de Legends of Tomorrow, c'est au tour d'une série Marvel, et donc c'est le retour des John Carter pour sa saison 2. Mais avant de parler des John Carter, on va faire le petit résumé de la semaine qui plaît tant à Irish. Donc qu'est-ce que vous avez regardé dans cette semaine? On va prendre le même ordre, on va commencer par Clément. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé The Flash, j'ai adoré, j'ai subi l'épisode de Arrow qui était une catastrophe. Et j'ai regardé Agent Carter, donc, ah putain, j'ai du mal, Agent Carter, baisse mon avis pour cette semaine, et bien sûr, Legends of Tomorrow, mais j'en ai déjà parlé aussi. Concrètement, à part Agent Carter, ce qui l'a sauvé, c'est juste The Flash. Arrow, j'ai détesté, j'en suis au point, je suis vraiment pas loin d'arrêter la série, donc pour moi, il n'y avait que The Flash à sauver, voilà. Elle ne parle plus personne. Si, ah. Sinon, on t'entend. On t'entend, on te reçoit. Ah, yeah, je vous entends à nouveau. Ah. Et donc, tu peux garder la parole et nous dire ce que tu as vu cette semaine. Je suis à jour sur les séries de la semaine, je crois à peu près tout, comme Clément. J'ai pas spécialement même avis sur Flash, mais mais j'ai vu les mêmes épisodes que toi. D'accord. Et Irish, tu attends ce moment avec tant d'impatience. Voilà, à ton tour. Non mais je ne comprends pas du coup Elodie, parce que moi j'ai trouvé un épisode de Flash super, qui ouais. Était presque une sorte de préquel à la première saison, si on le remet dans l'ordre, si on remet cet épisode dans l'ordre, on a tout toute l'origine de la saison 1. Ah ouais. Pourquoi bah... Ah non, ouais, je n'irai pas jusque là. Non, je veux pas dire, mais dans le choix de Star Labs, dans oui, le non, choix d'Harrison Wells... Et on comprend plus de choses sur la saison 1 et comment tout s'est mis en place. Ouais, si on veut, mais après, moi je dirais pas que c'est vraiment direct, parce qu'en fait, c'est les conséquences de ce qui s'est passé dans l'épisode final de la saison 1, finalement, qui viennent réécrire un peu la timeline. Et c'est super intéressant la manière dont ils ont traité la gestion de la timeline. Je trouve que c'est vraiment un excellent boulot. Effectivement, c'est un épisode qui est très intéressant de ce point de vue-là, mais aussi sur d'autres points. Et c'est, franchement, c'est, voilà, contrairement à Arrow, j'ai l'impression qu'ils savent très bien où ils vont. Et j'en dirai pas plus, quoi. Mais il y a un. D'accord. Voilà. C'est pas le débat. Voilà. Mais juste comme tu disais, la gestion de la timeline est super bien. Et ensuite, bon bah Arrow, je pense que l'avis général, hein. L'avis général, je pense que encore, allez, un ou deux épisodes comme ça et je lâche. Et Legend of Tomorrow, bah je me suis laissé concerner par la deuxième partie du pilote. Voilà. D'accord. Et donc pour ma part, j'ai vu Flash que j'ai aussi adoré. Arrow, je ne l'ai pas vu, je n'ai même pas pris la peine de le regarder. Ce sera quand j'aurai le temps. J'avais d'autres chats à fouetter. J'avais Angoulême qui est beaucoup plus intéressant. Et Legends of Tomorrow, bah, on a fait le podcast, c'est pas terrible. Et John Carter, dont on va parler maintenant, donc je ne dirai rien. Et moi, je vais vous laisser continuer le podcast. Je vous exactement, courage. Puisque tu ne regardes pas John Carter. John Carter. Vraiment pour parler de toi. Hein. C'était ton moment pour briller. Voilà, c'est ça. Allez, bon podcast à tous. Salut. Salut. Salut. Et donc, nous, on va rester. On va parler de John Carter, des trois premiers épisodes. Alors, comme pour Legend of Tomorrow, et comme d'habitude, un avis très rapide pour me résumer votre avis sur ces trois premiers épisodes. D'accord. Clément, vas-y. Très bon retour. J'ai beaucoup aimé retrouver ces personnages. Finalement, je me suis rendu compte en regardant notamment le Two Worlds Season 1 que ces personnages m'avaient manqué. J'ai vraiment très pris plaisir à les revoir. Pareil, hein, l'épisode 3 était peut-être un petit peu en dessous, mais voilà, c'est toujours de qualité, je passe toujours un bon moment. Si je compare, je crois que j'avais dû voir Agent Carter après ou avant, après Arrow, je crois, ou avant, je me suis largement fait moins chier parce que c'est beaucoup plus convaincant en termes de scénario, beaucoup plus convaincant en termes d'acteur. Je trouve qu'il y a, voilà, il y a tout ce que j'aime dans Agent Carter. J'ai adoré revoir le duo avec Jarvis et l'agent Carter, plus d'autres personnages, toujours le connard qui gère maintenant la SSR. Non, vraiment, je trouve que c'est un très bon retour et je suis curieux de voir ce que va donner cette saison 2 parce que ça peut franchement, ça peut être pas mal du tout, donc c'est franchement un très bon retour. D'accord. Et toi, Elodie? Bah pareil, ça m'a fait plaisir de retrouver tous les personnages. Après c'est pareil, c'est pas la série où dès que ça sort, bah je me précipite sur l'épisode. Je trouve ça sympa, c'est pas non plus révolutionnaire, mais c'est bien. Il y a pas, c'est pas genre un cas par épisode. Là, il faut un fil rouge sur toute la saison qui, j'espère en tout cas, sera résolu à la fin de la saison. Le personnage de Peggy, moi je trouve ça extraordinaire. La série aborde des points. Bah, la saison 1 s'était concentrée sur tout ce qui était sur la place de la femme dans la société à cette époque. Voilà, là ils essayent. Voilà. Hello. Du avec Jarvis, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup d'autres personnages comme Sousa ou Stark qui est dans l'épisode 3. Yeah. Enfin, non, je sais pas. Moi ça m'a fait très plaisir en tout cas de retrouver les aventures de Peggy. Oui, bah moi pareil, j'ai beaucoup aimé ce retour de la série. Pareil, c'est pas la série sur laquelle je saute en priorité dès que ça sort. Mais c'est pas Agents of S.H.I.E.L.D. par exemple. Mais c'est un très bon retour et très plaisant de retrouver de formidables personnages comme Carter et Sousa. Et l'intrigue, je pense que l'évolution, enfin le déplacement de l'intrigue à Los Angeles peut être bénéfique pour la série aussi. Oui. Donc aussi, ouais. À voir. Ouais, pour le lieu, je trouve qu'ils explorent juste le côté un peu Hollywood et les débuts. Ouais. Mais si, hormis ça, enfin, que ce soit à New York ou à Los Angeles, ce serait strictement pareil. À voir. À part les piscines, ouais, les grandes maisons, mais sinon. On verra. Donc, on va creuser un petit peu plus ces trois épisodes. Par quoi vous voulez commencer par quoi? Par le fil rouge? Ouais. Quelqu'un veut commencer? Je t'en prie, vas-y Arnaud. Oui, vas-y, à toi l'honneur. Ok, donc le fil rouge de la bord de cette Lady in the Lake, de premier épisode était sympa, mais je préférais les deux suivants qui s'intéressent vraiment au fil rouge de la saison, qui va être ce Isodime Energy, cette société Isodime Energy, et surtout le Zero Matter, cette énergie dont on va beaucoup parler, je pense, avec Elodie. Hein. Exactement. Et non, mais j'ai trouvé que c'est un fil rouge déjà peut-être plus intéressant en saison 1 avec les espions russes. Ouais. Ça. Ça peut être plus intéressant et surtout plus connecté au MCU, puisque c'était annoncé que le Zero Matter, c'est lié à Doctor Strange. Ah, je n'avais pas capté, je ne savais pas du tout à quoi elle était. En fait, le Zero Matter dans les comics, c'est ce qui s'appelle la Dark Force. Ah, d'accord. Ouais, et la Dark Force, c'est d'où puise Doctor Strange ses pouvoirs. Ah, ok. Ah oui, mais alors, c'est intéressant, effectivement. Et non, ce ne serait pas lié à Agents of S.H.I.E.L.D. et aux Inhumains. Bah, je me suis posé la question, justement. Ah, merci, donc pas toute seule. Quand on connaît pas, c'est qu'on lit pas forcément ce qu'il y a autour pour pas se faire spoiler ou pour pas savoir forcément d'autres trucs. Moi je dis, quand tu vois ce. Mais même dans les épisodes, enfin, dans Agents of S.H.I.E.L.D. où le machin absorbe tout, que ce soit des humains ou des. Mais ça crée un trou noir qui absorbe des choses. Dans Agents of S.H.I.E.L.D., dans Agents of S.H.I.E.L.D., c'est une pierre qui se liquéfie et qui absorbe certaines personnes. Là, ça absorbe tout et n'importe quoi, pour commencer. Les personnes, et ensuite, c'est évolué avec le temps. Les personnes qui sont capturées par le Zero Matter dans John Carter sont soit, entre guillemets, morts, ou en tout cas, une espèce d'invisible, un entre-deux monde, soit ont des pouvoirs. Dans Agents of S.H.I.E.L.D., ils sont transportés dans un autre monde. Je vois pas le lien entre les deux, moi. Et dans Agents of S.H.I.E.L.D., c'est une pierre qui se liquéfie, qui devient donc liquide. Dans Agent Carter, c'est toujours liquide. Enfin, c'est toujours une forme un peu pas solide. Enfin, c'est absolument pas une forme. C'est pas quelque chose qui a un état solide. Donc, je vois pas le lien entre les deux, moi. D'accord, les deux sont un peu. Sont noirs et absorbent des choses. Mais je vois pas le lien dans la cause et les conséquences. Il y a rien, il y a absolument aucun rapport. Bah, t'es allé beaucoup plus loin que moi. Moi, au premier abord, quand je vois un truc qui absorbe des gens comme des objets, ça aurait pu très bien être comme dans un Agent of S.H.I.E.L.D. Bah, S.H.I.E.L.D., c'est un portail qui les transporte ailleurs. Là, ça leur donne des pouvoirs. Bah, là, on sait pas. Sur la vidéo, quand on voit des mecs qui ont été absorbés, on sait pas où ils ont atterri. Hein. On voit personne d'absorbé. Bah, si, ils rentrent dans le trou noir. On voit un camion. Il y avait des gens dedans. On sait pas. Il y a un camion, des personnes qui se font absorber, tu rigoles. Et même en soi, dans Agents of S.H.I.E.L.D., personne n'a eu de pouvoir après. Et en plus, là, dans Agents of S.H.I.E.L.D., c'est certaines personnes qui sont absorbées. Là, ça absorbe tout et n'importe quoi. Bah, peut-être, mais j'avais pas forcément pris le temps d'analyser aussi profondément la chose. Maintenant que je te le dis, est-ce que ça change ton avis ? Bah, je vois d'autres choses maintenant, mais au premier abord, voilà, pour moi, je vois un rapprochement avec Agents of S.H.I.E.L.D. Donc, j'avais apparemment, mais Clément, tu aussi tu as pensé. On découvrira. Oui, j'y ai pensé, mais maintenant ce qu'Arnaud me dit. On découvrira peut-être que les deux sont liés. C'est peut-être pas la même chose, mais les deux sont peut-être liés. On peut-être verra bien. Que cette énergie, le Zero Matter, vient peut-être de l'autre planète de Agents of S.H.I.E.L.D., on ne sait pas. Peut-être que les deux sont liés. Mais moi, ce que j'aimerais beaucoup que ce ne soit pas lié et que ce ne soit pas du tout pareil, parce que j'aimerais beaucoup. Déjà qu'on en a vu énormément de cette histoire de pierre et tout ça dans Agents of S.H.I.E.L.D., j'aimerais bien qu'on nous montre autre chose dans Agent Carter, et surtout que Agent Carter soit indépendante, vraiment, que ce soit... Si on nous sort la même chose dans Agent Carter, je vais avoir l'impression que c'est une redite et que c'est un recyclage des idées d'Agents of S.H.I.E.L.D., alors que la série mérite autre chose et mérite vraiment d'avoir ses intrigues à elle propres. Certes connectées avec le MCU parce que c'est Marvel, mais ses propres intrigues qui ne sont pas du recyclage. Ouais, mais c'est bien de créer des liens aussi entre les deux séries. Alors, je suis d'accord. On verra bien. Autrement. Ah oui, bah, peut-être, mais ça aurait été bien de parler de... Après, peut-être pas autant, peut-être que c'est... Mais si cette pierre avait été abordée dans Agent Carter, ça m'aurait absolument pas dérangé, personnellement. Comme peut-être ça, plus tard, à voir comment ça se fait. Alors, pourquoi pas dans les années 40 hein. Oui, on est encore au début, bien sûr. Mais il y a d'autres ramifications. Par exemple, ça nous permet de découvrir de nouveaux personnages. Donc, justement, qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux personnages ? Par exemple, de Whitney Frost, la méchante de la saison. Bah, c'est ça. Pour l'instant, on ne voit pas encore vraiment son but. Donc, je suis un peu sceptique dessus. Intéressant. Voilà, j'attends juste de savoir comment ils vont la développer. Au premier abord, ça a l'air intéressant. Elle a l'air d'avoir récupéré des pouvoirs qu'elle ne maîtrise pas du tout. Et voilà. Est-ce qu'elle va devenir vraiment une grande méchante et qu'elle va s'assumer en tant que telle ? Ou est-ce qu'au contraire, elle va être un peu en mode « j'ai des pouvoirs, je deviens méchante, je tue des gens, mais je ne voulais pas... je ne sais pas, pour l'instant, c'est pas trop. » À voir, mais enfin, on sent quand même une certaine agression en elle. C'est une star de ciné qui a un certain âge qui ne plaît plus à Hollywood, alors qu'elle n'est pas vieille du tout. Et tu vois que d'un côté, elle veut le pouvoir parce qu'elle veut soutenir son mari à devenir scénariste. Oui. Et d'un autre, elle lui propose de quitter le cinéma parce qu'elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Et limite de tout laisser tomber. Enfin, voilà. Je trouve que pour l'instant, ils l'ont mis le cul entre deux chaises. Et voilà. Ouais, mais quand même, s'il y a un trait de personnalité qui ressort davantage, je pense, c'est celui de la femme ambitieuse parce qu'elle veut pousser son mari à devenir sénateur. Elle veut pousser son mari à garder une position de force au sein de ce conseil qu'on découvre. Et surtout, elle veut énormément utiliser le Zero Matter qu'elle connaît, puisque c'est aussi une scientifique elle-même. Donc, je pense que c'est une femme très ambitieuse. Et certes, au début de l'épisode 3, elle est peut-être un peu apeurée par ce qui lui arrive. Elle est un peu effrayée. Elle a subi... on ne sait pas ce qu'elle a subi, mais il y a eu un accident et elle se retrouve avec une marque sur le visage et... Enfin, je pense qu'elle était un peu effrayée, mais je pense que vraiment son trait de caractère qui sort dans ces trois épisodes-là et qui va sans doute sortir encore plus par la suite, c'est cette ambition qu'elle a à vouloir tout contrôler et à devenir celle que l'on regarde et celle qui possède qui possède le contrôle et j'allais dire la force, mais on n'est pas dans Star Wars, celle qui possède le pouvoir en soi, le pouvoir dans tous les sens. Ouais, j'avoue que je sais pas trop. Pour l'instant, le personnage reste un peu ambigu. Mais oui, intéressant, on en a pas, ouais. On a pas vu beaucoup. C'est ça. Et alors que son mari, ou alors qu'on pensait que ça allait être lui le méchant du truc, finalement, on n'est pas si méchant que ça. Non, bah, après, si on lit un peu les infos, Madame Masque avait été annoncée comme la méchante. Et c'est elle. Mais oui, mais après, son mari à côté, il fait un peu de tâche. Il fait un peu simplet, en fait. Oui, c'est exactement ça. Donne l'impression de simplet, du mec qui se laisse balader de la droite à gauche. Après, on a cette intrigue du Zero Matter. C'est aussi l'occasion de découvrir un nouveau personnage qui est Jason Wilkes. Honnêtement, c'est pas bon, c'est un personnage qui me laisse. Je n'y crois, c'est toujours intéressant, voilà, d'avoir un nouveau personnage, si tant est qu'il est bien écrit. Après, je sais pas s'il va avoir de l'importance ou non. Visiblement, il est amené à avoir de l'importance. J'ai pas. Il est pas désagréable, hein, comme personnage. Après, voilà, j'espère que ça va pas être un personnage qui va, à terme, amener un triangle amoureux entre Peggy, ce personnage-là, et je sais plus l'autre, là. Souza. Ouais, Souza. J'ai un peu peur de ça que. Bah, j'ai l'impression que c'est vers quoi on se tourne. J'ai un peu peur de ça, et j'ai pas franchement envie qu'on se dirige vers ça, parce que justement, Agent Carter a évité jusque-là de se tourner vers les triangles amoureux. Donc j'ai un peu peur, voilà, qu'on se dirige vers ça. Après, c'est pas un personnage qui est très passionnant, mais qui est non plus chiant. Enfin, il me laisse un peu de marge. J'ai juste pas envie, voilà, que ça serve de prétexte à un triangle amoureux, parce qu'on a bien vu la réaction de Peggy quand elle a appris la nouvelle situation de Souza. Et voilà, non, j'ai pas envie que ce soit un personnage qui soit prétexte à ça. D'accord. Elodie ? Un peu du même avis que Clément. Le personnage, bah déjà à la fin du premier épisode, je me suis dit, ah, ça va être lui le gros méchant. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. La saison. Finalement, totalement retournement de situation à l'épisode 2. Finalement, non, il est gentil, voilà. Alors après, c'est intéressant les histoires autour du fait que, bah, il soit noir et donc, voilà, le côté racisme est sympa à développer dans la série. Par contre, moi, c'est Peggy qui a un peu un retournement de situation facile. En effet, il y a la scène où tu vois qu'elle apprend pour Souza dans la fin de l'épisode 1, mais dans la 2, elle voit la bague. On sent qu'elle est quand même hyper gênée, qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, mais qu'ils n'osent pas se l'avouer. Et limite, la scène d'après, elle va rejoindre, comment il s'appelle, Jason, c'est ça? Oui. Et elle le rejoint, et ça y est, elle est complètement sous son charme, donc Souza totalement oublié. J'ai trouvé ça, par contre, un peu rapide. Ouais, c'est sûr. Oui, dans l'ensemble, c'est un personnage qui va sans doute être là pour un prétexte à un triangle amoureux. Justement, qu'est-ce que vous en pensez de l'autre triangle amoureux, si on peut dire, entre Souza, Peggy et la copine de Souza? Sarah Bolger. Ah oui. C'est qui? C'est Sarah Bolger, l'actrice. D'accord. Alors, honnêtement, je m'attendais pas à ça. Enfin, c'est une bonne surprise. J'avais peur que ce soit un super chiant, super nier. Et en fait, j'ai trouvé que c'est des réactions qui sont plutôt... j'ai l'impression, voilà, qu'on évite d'être dans le gros truc cliché et que Peggy, face à ça, bah, reste Peggy, quoi. Enfin, moi, c'est le sentiment que ça m'a donné. Ça m'a pas dérangé. Au contraire, j'ai plutôt... voilà, qu'il n'y a pas ça naturel, enfin, ça naturel qui semble rien montrer, je trouve ça plutôt intelligent et ça a enlevé le. Ouais, ça a évité d'avoir un côté relou, je pense. Oui. Oui, et puis c'est pas. Certes, il y a un petit triangle amoureux qui s'instaure, mais ça prend pas non plus l'entièreté de l'épisode. Ça prend pas une grande place dans ces trois épisodes-là. Ah non, complètement. C'est motivateur de quelque chose. C'est pas juste là parce qu'il faut mettre une histoire amoureuse. C'est ça. C'est ça. C'est pas comme on a, je sais pas moi, je sais pas, comme on avait dans Arrow ou dans The Flash, à cette comparaison. C'est pas un, quelque chose qui est là pour voilà pour dire bon bah il faut une histoire amoureuse en plus, on va le mettre là, on sent bien que c'est quelque chose qui peut être utile au développement des personnages et c'est ça qui me plaît quoi. Tu sens que s'il y a des événements, des éléments comme ça, c'est fait avec intelligence, c'est pas fait juste par on va dire par opportunisme, juste par parce que il ressent le besoin que ça doit se faire, peu importe que ça soit bénéfique ou non à l'histoire. Et c'est ça que j'aime beaucoup finalement par rapport globalement à ce que fait ce qui est fait sur The Flash et Arrow, c'est que globalement toutes les histoires sont liées de près ou de loin de personnages, donc ça vaut aussi bien les histoires d'amitié que on va dire les amourettes, enfin les histoires d'amour qui concernent les personnages. J'ai jamais eu trop le sentiment voilà que ce soit trop cliché. Bon, alors, à part si bien sûr je parle de la première saison de la Agent of Shield, c'est une exception, c'est jamais trop voilà trop cliché, et j'ai l'impression que c'est vraiment là pour servir le développement des personnages et pas l'inverse quoi. Oui, et concernant les nouveaux personnages, il y a un autre personnage aussi qui vient d'arriver, enfin nouveau perso quoi, Madame Jarvis. Ouais. Oui. Ah, c'est ce que j'allais dire, c'est un nouveau personnage à l'écran, mais on en a déjà entendu beaucoup parler dans la saison 2. Anna Jarvis. Ouais, la voir comme ça de vrai, parce que c'est vrai que c'était ça d'ailleurs qui était plutôt drôle et plutôt intéressant, c'est qu'en fait on s'était imaginé à quoi pouvait ressembler Madame Jarvis après les dires de ce cher Jarvis. Moi j'adore le personnage et j'adore l'acteur, il a une classe tellement, elle a la classe british quoi, j'adore ça. Moi je m'attendais à une on va dire à une femme qui est assez pas psychorigide mais qui est assez rigide sur les principes, qui est pas popole et tout ça, et en fait finalement c'est tout le contraire. Moi j'ai toujours elle est complètement tenée, et moi honnêtement je trouve que c'est l'une des meilleures surprises de début de saison 2, c'est on a droit à une Madame Jarvis, et du temps voilà qui on pouvait s'attendre à ce qu'on ait droit à une Madame Jarvis quoi très jalouse de Peggy Carter parce que Peggy est souvent avec son mari, et en fait pas du tout quoi, tu sens qu'il y a un lien d'amitié qui va se créer entre les deux personnages, et je trouve que c'est une excellente trouvaille, et franchement moi dès les premières minutes j'ai adoré le personnage quoi. Il y a vraiment quelque chose entre les acteurs, enfin je sais pas, je trouve que c'est vraiment globalement je trouve que les acteurs sont tous très bien casté, et ouais non je trouve que le personnage ça apporte vraiment quelque chose en plus au groupe Peggy Jarvis. Je crois que c'est elle, je sais plus dans le premier ou deuxième, qui va filer un flingue à Peggy qui est caché dans un sous-vêtement, ouais. Enfin même ça quoi, c'est génial, hein. Enfin non franchement je trouve que ouais non c'est un personnage, moi je trouve qu'il, ouais, comme tu dis, qui est complètement taré, mais en même temps, voilà, qui est super bien trouvé, quoi. Rafraîchissante. Ouais, c'est ça. C'est exactement rafraîchissante. Et en fait, on s'attendait, mais tellement pas à ça. Bah, à l'inverse. Moi, je m'attendais au personnage inverse, quoi. Ouais, non, mais totalement, en fait, c'est pas ça, donc... C'est ça qui est fort. Et comme ouais, tu disais, ils ont bien fait d'éviter tout de suite la jalousie entre elle et Peggy. Et en fait, c'est tout ton père, quoi. Tu sens que ces deux personnages qui sont amenés à être potes, quoi. Et même, ils s'en amusent, parce qu'à un moment, quand Jarvis fait son entraînement et fait une espèce de prise de lutte à Peggy, et elle tombe sur lui, et là, elle arrive, tu te dis, oula, ils vont nous sortir la carte de la jalousie. En fait, pas du tout. Elle te dit, je sais plus, t'as encore utilisé faire la prise, le machin, tortue. Ouais, quoi. C'est plus ce qu'elle dit, mais c'est vrai, tellement drôle. Mais non, c'était drôle parce que c'est le décalage entre la scène et le. Est-ce qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de situation? Est-ce qu'on aurait été dans des séries lambda plus clichés, par les séries à la DC ou même d'autres séries qui sont pas forcément du genre super héroïque, ou du comics du moins, on aurait eu des scènes où le personnage dit qu'est-ce que tu fais, enfin tu se serais imaginé des trucs, et c'est vrai que moi quand j'ai vu cette scène, oulala, ça va être la scène de jalousie, et en fait pas du tout quoi, les scénaristes s'en amusent et les personnages, ils rentrent pas dans ce cliché là, et c'est tellement rafraîchissant, ça fait tellement du bien quoi, que tellement tu viens de se dire bon bah voilà, on va avoir un personnage féminin central et deux autres personnages qui sont en couple, et on n'a pas à craindre d'avoir un triangle amoureux bidon ou des personnages jaloux quoi, ça va pas être dans cette histoire là, mais ça va être plutôt voilà un groupe, des liens d'amitié, et ça change tellement, c'est hyper rafraîchissant, et enfin bravo les scénaristes quoi, et on va dire, si on prend en critère de spin-off, je veux dire, tu prends Agent Carter, il s'est installé là depuis une saison, et tu prends Johnny John Moreau, enfin, c'est le jour à la nuit, quoi. C'est peut-être poussé un peu à l'extrême, mais enfin, là, on a l'exemple du traitement qu'il faut faire dans un spin-off, du traitement qu'il faut faire avec des personnages, et Legends of Tomorrow, tout le contraire, et je trouve que c'est pour ça, j'avais un peu peur, hein, parce que c'est vrai que Agent Carter, j'avais eu un peu de retard sur la série, et du coup, j'ai repris la série, et en fait, ça veut tout dire. On était, je sais plus, vendredi, je me dis, ah ouais, chouette, il y a le troisième épisode d'Agent Carter, donc dès lors que tu as envie de voir la suite, voilà, c'est qu'il y a une réussite quelque part. Exactement. Et mais les scénaristes s'amusent beaucoup aussi avec ce trio-là. Ils jouent avec ce trio-là et puis ils jouent aussi avec l'époque. Tu sens qu'ils s'amusent, quoi, qu'ils ont bien compris. Le coup de la voiture sophistiquée, avec le faux GPS intégré, les sièges qui s'abaissent et tout. Et même, il y a des petites références dans les livres. Il y a de l'humour, quoi. Enfin, moi, ce qui m'a fait rire, c'est quand elle fait fonctionner, la voiture, c'est la voiture de Warstar. Et c'est ça qui est, enfin, moi, ça m'a fait éclater de rire. C'est quand Peggy essaye les sièges et que le siège. Ça baisse. Ça baisse et qu'elle dit, mais pourquoi il y a un miroir? Moi, je parle de lui, ça. C'est tellement typique du personnage de Warstar. Et même le revoir, franchement, c'est. Enfin, moi, c'est plaisant. C'est franchement plaisant, quoi. Je trouve que c'est l'un des meilleurs personnages du Marvel Cinematic Universe. Les interactions entre Peggy et au revoir, moi, ça me fait mourir de rire. Il essaye plus de la draguer maintenant. Ils sont passés à autre chose. C'est un rôle d'amitié, mais c'est à la fois un rôle d'amitié qui se chambre. Et Peggy, qui est toujours à moitié désespéré par ce qui est le personnage de Warstar. Mais je trouve que justement, c'est la force de la série, quoi. Les interactions entre les personnages sont vraiment intéressantes, même entre des personnages qui sont insupportables. Le chef de la SSR, quoi. T'as envie de le frapper, t'as qu'une envie de qu'il prenne sa place. Après, je sais pas si ça vient à l'acteur, mais je pense que ça vient aussi à la manière dont c'est. Il est très mauvais, John McElmurray. L'acteur est mauvais de base, mais le personnage est en plus. Voilà, c'est en plus, le personnage est incohérent parce que. Il fait une chose, par exemple, il dit à Carter, arrête de, enfin, l'affaire est close, c'est fini, tu vas plus avec ça. Après, il va aller regarder le film où on voit l'observateur absorber tout ce qui se passe. On voit qu'il est inquiet et on voit qu'il se dit peut-être que Peggy, elle a raison, il faudrait s'en occuper, tout ça. Et après, il rencontre le mec, le sénateur ou je sais plus qui lui demande de lui remettre le film, il hésite, mais il lui donne quand même. Ensuite, et là, il a quand même une preuve quand même qu'il se passe quelque chose. Et Peggy vient le voir pour lui dire j'ai vu le journal de demain, ils sont en train de faire un. Enfin, ils influencent la politique, tout ça. Et il la croit pas. Et le lendemain, la même personne qui lui a demandé le film. Lui montre le journal avec exactement ce que Peggy avait dit, oui. Et il fait pas le lien, enfin, il a pas. Si, j'ai l'impression qu'il fait un lien. Il commence à faire le lien, mais ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup de choses, il aurait pu s'en rendre compte avant. Et donc, j'ai l'impression qu'ils savent pas trop sur quel pied se mettre sur ce personnage-là. Ils ont voulu à la fois le rendre un peu le patron, un peu connard, qui est toujours un peu méfiant, enfin, peut-être pas méfiant, mais qui a toujours des réserves sur Peggy. Mais en même temps, c'est aussi l'homme qui est parti en mission avec elle, à qui Peggy a sauvé la vie, et qui a vu de quoi elle était capable. Mais clairement, en fait, c'est juste qu'il est partagé, parce que ça reste un mec macho qui considère la femme en dessous de lui, et juste qu'il veut garder cette image-là, et en même temps, il se dit que c'est rabaissant pour lui qu'une autre personne, et dont une femme, soit meilleure que lui. Oui. Ça. Moi, je le vois. Mais du coup, c'est pour ça que le personnage est très énervant. Et le jeu de l'acteur n'aide pas non plus. Ça aide pas, mais je pense que le personnage de base est très antipathique. Il était déjà au début de la saison 1, mais du coup, t'as qu'une envie. C'est, voilà, t'attends l'occasion de voir Peggy qui va pouvoir lui mettre. Une droite. Ouais, lui pousser la gueule ou je ne sais quoi. Puis tu sens à côté le pauvre Cisa, quoi, qui a envie de défendre. La pauvre Peggy, et voilà, c'est. Non, c'est vrai que si on enlève l'acteur, après, globalement, les acteurs sont plutôt très très bons, donc franchement, je trouve que voilà, c'est... Honnêtement, j'espère vraiment, même si les audiences sont pas terribles, j'espère vraiment voilà, que la série va continuer parce que ça spoil. Pour le coup, c'est fun, c'est très fun à regarder et puis ça apporte quelque chose, je trouve, au Marvel Cinematic Universe. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et moi, j'aime bien, c'est du fun et tu sais, voilà, tu perds pas ton temps, que ça va apporter quelque chose et puis il y a une histoire en parallèle et voilà, je trouve que voilà, le personnage d'agent de Peggy Carter, c'est tellement l'un des personnages que je suis content de revoir parce que c'est un personnage que j'avais vraiment aimé dans Captain America et la revoir encore dans cette série-là et puis l'actrice, enfin, elle est parfaite en Peggy Carter, c'est vraiment une excellente série. À l'image de ça m'emmerde de dire ça parce que je suis comics, mais c'est enfin cette série là c'est un peu à l'image de ce que fait Marvel maintenant depuis 2-3 ans, depuis la mi-saison 1, début saison 2 de Agents of Shield et depuis Netflix, quoi. C'est qu'ils arrivent très bien à gérer l'aspect série télé, qu'ils arrivent très bien à gérer leurs personnages et clairement Agent Carter en est la preuve à mon point. Alors qu'ils ont un peu de mal à gérer le cinéma. C'est ça, c'est tout le contraire en fait. Alors que non, mais j'allais dire DC, on ne sait pas encore, mais DC n'a pas de film, donc. C'est... Voilà, ils n'ont pas encore de film, mais là de ce coup, enfin voilà, c'est Marvel quoi. Ils ont une stratégie bien ancrée et leur stratégie fonctionne et c'est vrai qu'ils ont compris, je pense, comment doit fonctionner le format télévisuel et ils s'en servent très très bien et Agent Carter le démontre indéniablement. Des choses à ajouter sur ces trois épisodes ? Je pense qu'on a fait le tour. Comment ? Ah oui. Surtout que cette saison a été rallongée de 2 épisodes. Ah bon ? Ça fait du bien. Ouais, il y en aura 10 et pas 8 comme la première. Et donc ça veut dire que, enfin, que la deuxième moitié de saison de Agents of Shield recommencera un peu plus tard. Non, toujours la date du début mars. Je sais plus la date en tête, mais c'est quelque chose comme 6 mars. Ce sera peut-être alors un double season final. Il y a longtemps hein, par rapport à l'année dernière, il y a 2 épisodes de plus, c'est tout. D'accord. C'est prévu depuis longtemps. Et il y a eu un peu season première avec 2 épisodes, ce sera pareil pour le final, je pense. D'accord, ok, bah c'est cool quoi, si la qualité est suite. Et c'est vraiment, et ça confirme bien, c'est l'avantage de ces saisons à très peu d'épisodes, c'est voilà, ils s'attardent sur l'essentiel, on a un fil rouge constant, et ça fait du bien quoi. Exactement. Rien d'autre à ajouter à part vivement à la suite. J'ai juste un petit truc à ajouter. Vas-y. Et si vous êtes fan de l'agent Carter et de Hayley Atwell, vous pouvez retrouver l'interview de l'actrice sur nosecrans.com. Instant promo. Instant pub. Ah, si on peut, voilà, si ça vous intéresse. Oui. Vous pouvez aller lire son interview qui avait eu lieu en juin dernier au Festival de Monte Carlo. Sur ces belles paroles d'autopromo, on va conclure. Hein. Donc, enfin, j'ai pas besoin de vous demander si vous allez regarder la suite, c'est clair que oui. Oui. Donc, bien sûr, tout le monde est tous fans de Peggy. Donc, bonne semaine à tous et bons épisodes. À bientôt. Au revoir. Au revoir.